Ce vendredi à la vie en BD, le destin immobilier du quartier Saint-Roch, des questions d'identité personnelle et d'identité sexuelle, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler bande dessinée. Et cette semaine, en fait, deux ouvrages qui attireront tout particulièrement notre attention. Alors, en deuxième partie d'émission, on portera un regard sur l'excellent, en fait, Longs cheveux roux de Meax Fitzgerald. Alors, un ouvrage qui a été publié du côté des éditions Pow Pow, en fait, qui a été lancé relativement récemment. Traduction de Long Red Air de l'auteur, dans un livre dans lequel l'auteur nous raconte son enfance à travers une suite de moments, une suite d'instants, son adolescence, son jeune âge adulte aussi, si on peut dire, et à travers lequel elle se découvre de façon identitaire et évidemment par... une recherche aussi d'un point sexuel, dans la mesure où on parle de bisexualité, de pansexualité et d'autres éléments un peu à l'intérieur de ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à construire, si on peut dire, notre identité au fur et à mesure de notre parcours et à découvrir peut-être, en fait, qui on est véritablement sur ce plan-là et dans quelle mesure cette réalisation-là va nous permettre de parfaire qui on est de manière plus large, plus global, puisque évidemment ces questions-là sont quand même capitales. Alors c'est un très beau livre, très intéressant. On avait vraiment envie d'en parler avec Meax Fitzgerald. Donc ça va être en deuxième moitié d'émission. Également à la fin de l'émission, il y aura aussi Marco Duchesne, nos libraires en résidence, qui sera de passage pour nous partager quelques commentaires BD. Et quelques instants, on va jaser avec la dessinatrice Valmont autour d'un livre qui s'appelle Le Seigneur de Saint-Roch. C'est un scénario de Francis Desharnais dans lequel on imagine dans le fond le quartier Saint-Roch dans un contexte de spéculation immobilière, dans un contexte aussi d'une parodie, si on peut dire, ou d'un pastiche plutôt, du Seigneur des Anneaux. Donc, où Saumon Immobilier essaie d'instaurer, d'imposer un bail unique pour l'ensemble du quartier. Alors, un récit vraiment désopillant, en fait, entre sérieux et absence de sérieux, si on peut dire. Ça donne un ouvrage qui est, ma foi, fort réussi également, publié du côté de Frontfroid. Alors, on va en parler dans quelques instants. Alors, c'est notre menu cette semaine, ici à La Vie en BD. Et comme à l'habitude, on commence l'émission avec quelques actualités tirées du monde de la bande dessinée, notamment le Festival BD de Montréal qui a annoncé sa programmation 2017, qui aura lieu à la fin de la saison de CKRL. En fait, je pense que le vendredi du festival, c'est aussi le vendredi de la dernière émission de La Vie en BD pour 2016-2017. Alors, ce sera du vendredi 26 au dimanche 28 mai prochain, toujours à l'espace La Fontaine. À peu près 10 000 visiteurs quand même l'an dernier, donc ça reste fort satisfaisant. On imagine que c'est pas... ça vient justifier, expliquer pourquoi cet événement revient. Sixième édition quand même, là, donc toujours bien populaire avec la dédicace qui demeure au cœur de l'événement. Mais pour la sixième édition, là, on annonce du côté du FBDM qu'on s'anime en musique, notamment le 26 mai, la fanfare montréalaise, les Van Hornies, les Jeunesses musicales du Canada qui vont animer également une série d'ateliers BD en musique. Alors ça ajoute, si on peut dire, un élément. Donc évidemment, vraiment une programmation qui est quand même assez variée. Beaucoup, beaucoup d'auteurs aussi qui sont présents. Beaucoup d'ateliers qui sont prévus au fil des journées du festival également. On peut trouver l'ensemble de la programmation sur le web, mais si vous êtes de passage à Montréal, bien évidemment, on vous encourage fortement à aller y faire un tour. Sinon, le groupe américain Iconix Brand a vendu Snoopy et Charlotte aux fraises aux Canadiens, en fait, DHX Media, qui était déjà propriétaire d'Inspecteur Gadget et des Teletubbies. Alors, on parle de 345 millions de dollars donc que DHX Media a pu débourser. Alors, la famille de Charles Schulz conserve toutefois 20% des parts de Snoopy et les Peanuts, donc série, évidemment, on le sait, écrit et réalisé quotidiennement par l'Américain Charles Schulz d'octobre 1950 jusqu'à sa mort en février 2000. Ces personnages de BD continuent de vivre leurs aventures dans des milieux, dans des milliers de journaux à travers le monde et sont déclinés sur de nombreux produits dérivés. Autre nouvelle, tiens, on parle d'une récompense du côté de l'association On a marché sur la bulle qui fait lire aux élèves de 39 classes de lycée Picard professionnel technique et agricole des albums d'auteurs qui publient pour la première fois de manière professionnelle. Alors l'objectif est d'un côté de révéler des nouveaux talents en BD et de l'autre de permettre à des jeunes éloignés de la lecture de renouer avec le monde des livres. Et de ces 9 livres proposés là, ben, on demande aux lycéens Picard de choisir leur préféré. Alors, ils ont choisi La tristesse de l'éléphant de Nina Jacquemin sur un scénario de Nicolas Antonin du côté des Enfants Rouges. Alors, ben voilà, si jamais vous êtes curieux, vous voulez lire ce livre également. Et sinon, dernier clin d'œil à l'actualité. En fait, je vous avais parlé la semaine dernière de cette course que la cité de la BD d'Angoulême s'est amusée à organiser dans un contexte d'élection présidentielle. Et il y a eu le deuxième tour qui opposait donc Mafalda à Picsou, donc les gagnants du premier tour. Et la présidence reviendra à Mafalda, largement élue avec 65% des voix. La petite Argentine a dit ont su séduire les électeurs en promettant un quinquennat axé sur l'écologie, le partage et l'interdiction de soupe pour les enfants. Alors, sur ce, on se lance maintenant en musique, toujours à saveur 8 bits, évidemment. Alors, la formation qui nous accompagne cette semaine, c'est Dante DMG, un EP qu'il a publié tout récemment. On écoute un premier extrait au titre relativement imprononçable, alors que je vous lance à l'instant. Écoute de la vie en BD, on se lance maintenant vers une publication relativement récente, en fait, qui a été lancée à l'occasion du dernier festival de la bande dessinée francophone de Québec. Ça s'appelle Le Seigneur de Saint-Roch. C'est un récit scénarisé par Francis Desharnais, dessiné par Valmo. C'est édité du côté des éditions de Froid. Et pour nous en jaser, la dessinatrice Valmo est avec nous au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour Raymond, ça va bien? Ça va très bien. Et Valérie, en fait, peut-être pour commencer, peux-tu me parler peut-être un peu de la genèse de ce projet-là? En fait, qu'est-ce qui a mené Francis Desharnais et toi vers ce Seigneur de Saint-Roch? OK, en fait, c'est que moi, j'avais déjà mon blog de BD en ligne, puis je me cherchais, dans le fond, un scénariste pour faire un projet plus complet de A à Z. Puis Francis, il y avait une petite idée qui germait tranquillement dans sa tête, puis il m'est arrivé avec un léger, un synopsis, dans le fond, de l'histoire qu'il voulait faire. Puis Puis après, il m'a commis au défi, il a dit écoute, on pourrait peut-être essayer de faire une coupe de page, voir comment tu t'en sors. Puis après ça, finalement, on a tellement aimé ça les deux que ça, tu sais, ça s'est poursuivi en fait. Donc, un premier 6 pages, puis ensuite, on se lance plus largement. Et j'imagine que dans ces 6 pages-là, on s'est rendu compte que, autant au niveau travail, scénariste, dessinateur, qu'autant au niveau de la thématique proposée, ça accrochait, ça marchait? Oui, ça marchait vraiment bien. Puis, Francis, moi, je suis tombée carrément en amour avec les personnages qu'il a créés. Fait que ça m'a donné le goût, justement, de continuer de poursuivre ça avec lui, là. Parce que tu parles de personnages, justement, au cœur du récit, il y a deux humaines, Nathalie et Caroline, il y a un troll, Jean-Louis, un mage, Ilfindel, un elfe qui s'appelle Alcalin, donc c'est des personnages assez bigarrés, évidemment avec un côté très héroïque fantasy, mais un côté aussi d'allégorie, si on peut dire, des différents types de personnes qu'on retrouve dans un quartier. Oui, exactement. Puis, en même temps, ça traite un peu des thèmes, tu sais, de culture aussi générale, autant que de récits fantastiques. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui a déjà fait de grandeur nature. Francis, oui. Moi, j'ai un peu du domaine du jeu vidéo, mais en lisant l'histoire, au début, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est peut-être trop poussé, mais finalement, tu sais, ça touche au thème, mais c'est pas épeurant, en fait, là. Tu sais, on peut vraiment, c'est accessible à tout le monde, puis il y a vraiment des beaux petits clins d'œil, que ce soit du côté de la pop culture ou encore du quartier Saint-Roch, en fait. Donc, toi, t'as eu à t'approprier peut-être un peu le côté heroic fantasy qui était peut-être déjà plus dans l'héritage adolescent de Francis, mais toi, t'as eu à explorer un peu, à voir, OK, les elfes, les trolls, c'est quoi? C'est quoi l'esthétique liée à ça aussi? Oui, exact. Puis même à ça, c'était pas trop dépaysant pour moi, parce que comme je dis, je viens du milieu du jeu vidéo, puis tout le monde connaît Le Seigneur des Anneaux aussi. Fait que plein d'œil à ça aussi. Fait que je me sentais pas trop dépaysée. Et justement, tu le mentionnes, reste que, et on le voit aussi dans le titre, Le Seigneur de Saint-Roch, ça reste un gros pastiche de Tolkien, en fait, du Seigneur des Anneaux. Oui, carrément. Puis on ne gêne pas non plus, là. T'sais, on n'est pas mal à l'aise du tout avec ce terme-là. Francis, c'est vraiment gâté, puis moi aussi, là. Et le récit, donc essentiellement, si on a à le présenter, c'est une lutte entre des locataires, propriétaires qui veulent aller chercher, dans le fond, le droit de rester dans le quartier, alors qu'on a Saumon Immobilier qui essaye, lui, de s'approprier ce quartier-là. Oui, exactement. Puis je trouvais le thème quand même intéressant parce que la BD m'a pris environ 4 ans à faire. Ça a été un marathon. Mais c'est ça, Francis a commencé à écrire le scénario là 4 ans. Puis en 4 ans, quand même, c'est super intéressant parce que le quartier Saint-Roch a quand même changé. Fait que je trouvais la thématique vraiment le fun. Puis c'est un thème aussi qu'on retrouve tout que ce soit à Québec ou dans les autres villes, c'est quand même assez la gentrification dans le fond, là, c'est le thème principal. Fait que c'est ça, on trouvait ça intéressant. Puis là, c'est drôle de voir que présentement, justement, c'est encore une thématique à laquelle on parle, en fait. Oui, ben même en fait, si on pousse un peu plus loin, reste qu'une tour gigantesque comme on t'a donné à Saumon, ben on va en construire une. Oui, ben c'est ça. C'est vraiment un beau hasard, en fait, là, de ce côté-là. Et de ton côté, j'imagine que ça t'a permis de... Enfin, parce que tu as vécu quand même longtemps dans le quartier Saint-Roch, donc c'était d'intégrer l'univers fantastique, mais dans l'univers quotidien que tu côtoyais à l'époque. Oui, exact. Puis j'ai trouvé cet aspect-là vraiment intéressant parce que ça met comme une vision. Puis là, tu viens dans le quartier de Saint-Roch, c'est quand même un quartier où il y a différents commerces, il y a il y a beaucoup de compagnies de vidéo, il y a des petites casse-croûtes, etc. Puis c'est le côté tout mélangé, dans le fond, je trouvais intéressant. Puis de mettre ça dans un univers un peu plus fantastique, je trouvais ça vraiment à propos, là. Et comment ça s'est fait, justement, l'intégration du fantastique là-dedans? Parce qu'il faut quand même croire aussi à ce quartier-là. Il faut avoir l'impression qu'il peut exister. Il faut avoir l'impression que le fantastique peut exister à l'intérieur de lui aussi. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est ça, c'est qu'on m'a bien dosé, puis Francis aussi à l'écriture. C'est que, tu sais, on voulait que ce soit quand même dans un contexte réaliste. Puis, en faisant ce petit clin d'œil de trucs imaginatifs ou plus fantastiques au travers, là, pour rendre ça vraiment un peu plus punché, là. Oui, puis sans lésiner aussi vers le côté un peu absurde, là, je donne l'exemple des actions où le propriétaire, en fait, c'est celui qui l'a dans les mains. Donc, on joue un peu avec la notion de transaction et de propriété aussi. On s'amuse. Ouais, exact. Mais on l'amène vraiment d'une manière un peu plus fantastique. Et est-ce que ça veut dire, en fait, que tu as eu à travailler un peu pour trouver le look que tu allais donner à ton Saint-Roch? Oui, en fait, j'ai fait, en ayant déjà lutté pendant longtemps dans une quartier, moi, je trouvais ça intéressant, justement, de mettre ça un petit peu plus, faire une histoire dans le quartier Saint-Roch. Ça me tenait vraiment à cœur. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de repérages aussi. Je me suis promenée, j'ai pris des photos. Puis ça m'a permis, comme, de voir, justement, mon quartier, mais d'un œil un peu plus différent, là. Cet aspect-là, j'ai trouvé ça super intéressant, là. Et donc, on trouve un peu la trame, et après ça, j'imagine, faut trouver les personnages. On en parlait tantôt un peu. Bon, oui, c'est un elfe, oui, c'est un troll, mais c'est aussi des personnages tridimensionnels qui ont leur personnalité et le reste. Donc, Oui. comment s'est fait un peu le travail pour réussir à les trouver, puis réussir à trouver aussi un groupe de personnages qui allaient pouvoir fonctionner entre eux? Eh bien, c'est vraiment une super bonne question, mais tu sais, je pense que Francis avait déjà sa petite idée, puis en s'assurant un peu, en jasant, mais comme ça, ah, tu sais, les elfes, ça pourrait être, tu sais, je sais pas, au moins des businessmen qui s'amusent, qui aiment les 5 à 7. On essayait comme de compartimenter un peu comme ça, et puis donner un petit peu des, comment je pourrais dire ça, des thématiques pour faire l'histoire globalement. Excuse-moi, je sais pas si je suis claire à ce niveau-là, là, mais tu sais, c'est vraiment une recherche thématique par personnage pour voir quel, dans le fond, groupe de personnes, et quel genre de gens qu'on connaît dans le fond de la vie de tous les jours pourrait s'associer à tel personnage dans telle situation. Comme par exemple, en fait, l'elfe qui est un peu plus distant, qui méprise un peu la populace, mais en même temps qui est attaché à la mode et au paraître. Ouais. Donc, on va trouver un peu, ben, comme on disait tantôt, on va retrouver un archétype, puis après ça, on travaille pour partir de l'archétype, j'imagine, pour bâtir le personnage, pour le construire. Ben, exactement, c'est le thème de moi. Et au niveau du travail de dessin, ben, première chose, en fait, tu l'as dit tantôt, c'est un album qui t'a pris 4 ans à dessiner sur différentes périodes. Est-ce que tu as l'impression que ton dessin a évolué? Est-ce qu'on t'a eu à revenir un peu en arrière pour réajuster ou à assumer qu'il y avait une progression dans le rythme, dans la manière dont tu abordais ton travail? Ou? Oui, exactement. Ça, c'est, en fait, ça a été un super bel apprentissage parce que justement, le fait d'avoir travaillé avec Francis ici, j'en ai beaucoup appris au niveau de la découpe, au niveau de l'histoire, etc. Mais aussi, il y a des dessins que j'ai faits, voilà 4 ans, que finalement, dans une couple de mois, ça fonctionnait plus du tout au niveau de la stylistique. C'est des chapitres que j'ai dû complètement redessiner, en fait. Donc c'est vraiment là-dessus, c'est un album d'apprentissage, mais où on s'est dit, OK, on y va à 100% pour la cohésion, plutôt que nous, lecteurs, on sente pas cet apprentissage-là, si on peut dire. Ah, OK. OK, c'est cool. Oui, exactement. Là, c'est justement pour que ça coule super bien sans que ça cause de problème au niveau du film. Et au niveau du travail, en fait, tu disais, donc, Francis t'a accompagné un peu dans la découpe. Peux-tu nous parler un peu d'éléments qui t'amenaient ou de comment aussi était, de manière générale, la dynamique de travail? Donc, toi, quand on a une première BD, Francis, qui a quand même un bon bagage de ce côté-là, donc. Ben, c'est ça, en fait, la dynamique, c'est que lui avait déjà tout créé l'univers, avait déjà tout créé le scénario. Puis, il m'a carrément donné carte blanche, en fait. Il m'a donné, un bon coup de main pour les premiers chapitres, surtout au niveau du découpage, parce qu'il fallait que je comprenne quand même, tu sais, les champs, les plans, etc., pour que ce soit intéressant au niveau de la lecture. Puis, aussitôt que j'ai commencé à bien comprendre ou être à l'aise avec ça, il m'a carrément laissé aller pour créer les personnages, puis il m'a laissé carrément m'amuser avec ça. Et au niveau du découpage, mais au niveau aussi, en fait, tu as choisi de pas donner non plus de format de case, de carré. En fait, des fois, on le sent parce que le fond est plus sombre, où on sent qu'il y a un esprit de case, mais d'autres fois où le tour de la case est juste inexistant et blanc, finalement. Donc, on a joué aussi, en fait, tu t'es pas imposé un carré, un cadre précis non plus de ce côté-là. Non, exactement, mais tu sais, je me suis vraiment amusée, puis pour moi, c'est encore un apprentissage, tu sais, ça m'a permis de voir ce que j'aimais faire aussi à ce niveau-là, puis que c'était intéressant au niveau du rythme aussi. Et des défis particuliers, je te lance quelques exemples. En fait, tu me diras comment ça s'est bâti, mais je prends exemple à la fin du récit. C'est très chaotique, en fait. C'est un gros combat avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens impliqués. Donc, comment on aborde un peu des pages comme celle-là pour que, comme lecteur, on comprenne ce qui se passe, mais en même temps qu'on perçoive et qu'on ressente ce chaos-là aussi? Exact, d'ailleurs, je te dirais que ça a été le plus gros défi d'album. C'est vraiment. C'est bien saisi, en fait, là. C'est cette partie-là que j'ai trouvé la plus difficile, justement. C'est de garder une espèce de structure en comprenant très bien le chaos, mais sans que ça brise la lecture, en fait. Ça a été un très gros défi pour moi. Et comment tu t'y es pris? Ben, en fait, ça a été beaucoup de croquis, beaucoup de tu sais, je veux dire, déjà que Francis m'a donné un bon coup de main pour comprendre comment amener les yeux du lecteur, ben, ça m'a donné vraiment beaucoup d'outils pour pouvoir, justement, faire ces dernières pages-là. Je dirais que c'était beaucoup de croquis, d'essais, d'erreurs, puis de voir aussi qu'est-ce qui était le plus intéressant, pas juste au niveau de la composition aussi, mais aussi au niveau des tons gris, justement, pour pas que ça nuise à tout ça, là. Et dans d'autres segments, tu intègres aussi dans le récit, il y a des flashbacks qui sont intégrés. Tu choisis de les amener un peu avec en encadrant, dans le fond, un ensemble de cases, un petit nuage, donc pour que ça soit clair que c'est un retour en arrière. Ça c'est venu un peu spontanément. Oui, mais en fait, on comprend quand même assez bien parce que c'est un langage un peu plus classique dans la bande dessinée. C'est ça, je l'ai utilisé quand même naturellement. Puis je pense qu'à la lecture, on comprenait quand même assez bien. Et sinon, en fait, évidemment, tu y vas avec, selon les cas, selon les éléments, souvent des manières de rendre plus grande, plus massive la tour aussi. Donc ça, j'imagine que c'est beaucoup dans le travail de découpe, de trouver comment, quand la tour est là, ben, qu'on puisse sentir dans l'architecture de la page qu'elle prend de la place, qu'elle est immense. Oui, c'est ça. Tu sais, t'as vraiment la perspective, des vues de plongée aussi qui aident à comprendre qu'on, ben justement, encore une fois, Francis m'a donné un bon petit coup de main là-dessus pour justement qu'on comprenne très bien que la tour prend de la place. Puis on voit, je me rappelle plus à quel chapitre ou à quelle page, qu'on a vraiment un peu la ville de Québec avec la tour qui est vraiment immense en plein milieu, c'est un peu caricatural, mais tu sais, je tenais vraiment à ce qu'on voit que la tour prenne beaucoup, beaucoup de place. Et tout ça, évidemment, donc, on le disait tantôt, première BD pour toi, mais bon, tu as travaillé longtemps dans le jeu vidéo, tu y travailles toujours aussi. Tu as travaillé aussi dans l'illustration jeunesse, quelques livres à ton actif. Est-ce qu'on adapte un peu le trait ou la manière, j'imagine plus entre le livre jeunesse puis la bande dessinée, est-ce qu'on a adapté un peu son trait à le transformer? Oui, exactement, parce que pour la bande dessinée, il faut trouver un trait, faut trouver une manière de faire des personnages. Mais que ce soit quand même un petit peu plus rapide que l'illustration, par exemple, pour enfants, où on a beaucoup, beaucoup moins de cases à faire, beaucoup moins de personnages. Un livre pour enfants, ça peut être une quinzaine ou une vingtaine d'illustrations. La bande dessinée, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages, beaucoup d'illustrations, beaucoup de pages. Fait que c'est sûr qu'il faut adapter son style de un à l'autre. Sinon, si j'aurais fait la BD dans le même style que je fais les livres, par exemple, pour enfants, ça m'aurait pris un autre 5 heures. Ça aurait été un petit peu plus complexe. Et puis, il faut adapter justement son trait ou sa colo ou la manière de travailler, en fait. Oui, puis dans ce cas-ci, ben, c'est plus le choix aussi avec le Seigneur de Saint-Roch d'y aller en teinte grise, si on peut dire, pour donner des profondeurs. Donc, on saute déjà un peu l'étape de la coloration. Ouais. Mais tu sais, aussi en même temps, c'est sûr, j'aurais adoré le mettre en couleur, mais me connaissant, j'aurais vraiment, tu sais, j'aurais donné le paquet pour la couleur, c'est que ça aurait été encore un petit peu plus long à faire. Et j'imagine qu'après 4 ans de travail, ben, on a un sentiment de libération et de plaisir à voir enfin l'objet disponible en livre. Oui, vraiment. Puis, tu sais, au début, j'écoutais d'autres BDistes autour de moi qui étaient comme, tu vas voir, c'est comme ton premier enfant, puis tout, puis je le croyais pas. Puis finalement, le sentiment que j'ai, c'est exactement ça. C'est comme, tu sais, à la fin, t'es fatigué, puis finalement, quand tu l'as dans tes mains, quand t'as le livre dans les mains, c'était vraiment une émotion assez spéciale, là, j'arrive pas à décrire, mais tu sais, c'est vraiment un mélange de fierté, puis de wow, tu sais, j'ai fait. Enfin, c'est terminé, puis je suis vraiment fière de ce qu'on a fait, là. Et en attendant, j'imagine d'autres projets BD au fil des années à venir. Oui, j'avoue que j'aimerais ça, mais on verra, je me croise les doigts. Valmo, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à toi, Raymond. Au plaisir. Oui, okay, ben. Voilà, c'était Valmo, donc dessinatrice de cette bande dessinée, donc Le Seigneur de Saint-Roch, après un scénario de Francis Desharnais. Alors, avec toujours Dante DMG qui nous accompagne d'un segment à l'autre de cette émission de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Également, l'ensemble des émissions de La Vie en BD sont disponibles en balado-diffusion sur laviebd.wordpress.com. Et vous pouvez également suivre mon blog personnel sur voir.ca/Raymond-Poirier. Et on parle brièvement, en fait, d'un titre. En fait, j'avais un peu oublié que je voulais vous en parler. C'est du côté des éditions La Pastèque. Pascal Blanchet en voiture, et en même temps je me dis c'est de mise de vous en parler aujourd'hui puisque c'est tout récent, mais il y a eu le Grand Prix Livre Pascal Blanchet pour En voiture du côté des prix luxe qui ont été remis tout récemment, et il y a également Louis Parmi les Spectres du côté de La Pastèque qui a eu une récompense dans ce contexte-là. Et alors évidemment, pour qui connaît Pascal Blanchet, on s'attend à quelque chose de très esthétique avec un côté, un brin design aussi si on me permet le terme. Donc, dans l'organisation de ces espaces, et c'est quelque chose qu'on retrouve également dans En voiture, un documentaire illustré, si on pourrait dire, sur les trains, sur ce moyen de transport, et aussi un voyage à travers l'Amérique en chemin de fer. Alors, on part, on passe d'une ville à l'autre, d'un lieu à l'autre, mais on traverse donc essentiellement l'Amérique. Donc, les premières pages où on nous indique qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir, l'organisation des billets, on nous présente le trajet qui nous amène de Montréal à New York, vers Buffalo, Chicago, Cheyenne, Seattle, et pour éventuellement arriver à Los Angeles. Alors, vraiment une traversée complète. Et ensuite, au fil des pages, dans le fond, on va nous présenter les différentes villes, les différentes gares qu'on va croiser, quelques éléments incontournables du paysage également qu'on sera appelé à côtoyer, donc d'une montagne dans le coin de Seattle à le Grand Central à New York, en passant par les grandes plaines de l'Ouest ou encore le Golden Gate à San Francisco. Alors, on va donc nous faire sentir, si on peut dire, cette idée, cette notion de déplacement, donc à travers cette organisation-là à caractère géographique, qu'on va également ponctuer d'autres éléments sur l'histoire du train, sur les différents modèles du train, sur les différents types de wagons, sur les différents types de voyages. Alors, question de cadrer, si on peut dire, aussi le moyen de transport et venir enrichir le récit pour en faire véritablement un documentaire d'abord sur le train avec le prétexte du voyage, si on peut dire, puisque c'est beaucoup, dans le fond, les représentations de ces trains-là qu'on va remarquer, les lieux, les types de trains, l'historique de ces trains-là, l'architecture des cabines et le reste, toujours avec des notes explicatives également qui viennent l'accompagner. Alors, ça donne un très, très beau bouquin. On fait vraiment quelque chose qui se feuillette bien d'emblée, qui se lit bien aussi, parce que on se retrouve avec des anecdotes, des informations, des faits sur, justement, l'industrie ferroviaire. Alors, c'est un livre qui mérite largement le détour. Pour qui aime les belles choses, ça vaut la peine, donc, comme je disais. Alors, voilà, Pascal Blanchet, donc, En voiture du côté des éditions La Pastèque. Très bref mot également sur un autre ouvrage. C'est Dorian Lassus, et c'est aussi quelque chose dont je devais vous parler depuis déjà un bout de temps. C'est sorti l'automne dernier, en fait, à La Mauvaise Tête. Quoi de plus normal qu'infliger la vie? Alors, un livre dans lequel Lassus, en fait, s'interroge sur qu'est-ce qui fait qu'on décide d'avoir des enfants, sur le choix que font certaines femmes d'en avoir, le choix que font certaines autres de ne pas en avoir aussi, et enfin un peu à travers une déconstruction, si on peut dire, du processus familial, on en vient à l'auteur, enfin, en vient nous expliquer ce qui a fait son choix, sa décision de ne pas avoir justement d'enfants. Alors l'auteur se met en scène dans sa bande dessinée donc une femme qui ne veut pas en avoir, fait face à certaines pressions, incompréhensions face au fait de refuser l'aventure de la maternité et le reste. Donc ça, cette portion-là, évidemment, qui reste plus opinable, donc qui rentre dans le certain questionnement actuel, si on peut dire, avec donc la famille, l'idée de la famille qui est peut-être plus valorisée, plus socialement acceptée qu'il y a quelques temps en termes d'image, commerce et le reste. Alors, qui amène certains sentiments d'opposition. Alors, ça rentre un peu dans ce contexte-là, dans un contexte qui aussi est de tout temps, où on dit, reste que le couple doit éventuellement en venir à se reproduire et le reste. Alors, il y a cette dynamique-là. c'est peut-être en fait, bon, on le reçoit différemment selon l'opinion qu'on a face à ce débat-là et face à ce questionnement-là également. À un moment donné, on tombe bon joueur aussi dans l'idée de se moquer peut-être un peu aussi des travers des familles, des parents, des enfants, de ce qu'on fait pour les enfants aussi qui, pour quelqu'un qui est pas du tout dans cette logique-là, ben, peut trouver ça un brin ridicule, un brin rigolo, un brin absurde aussi à certains égards. Alors ça, il y a cet élément-là. Mais à mon sens, en fait, le récit prend beaucoup plus de force vers la fin où là, on amène de manière plus proactive la question du vide existentiel où finalement, ben, elle nous dit, regardez, la vie a pas de sens, alors pourquoi j'imposerais ça à quelqu'un d'autre? En fait, la pression de trouver un sens, de trouver une nécessité à l'existence, on peut dire, alors qu'on le sait très bien, l'existence a un petit côté absurde dans le fait qu'elle n'a pas vraiment de sens a priori. Alors, donc c'est un peu la thèse qu'on amène en cours de route vers ce livre-là. Évidemment, tout ça est fait avec le sourire, on se sent pas attaqué. Si on a des enfants, ça rentre dans les éléments d'opinion. Si vous avez envie de ce type d'éléments-là, ben vous allez trouver un ouvrage qui est quand même assez intéressant là, du côté de la mauvaise tête. Donc, Oriane Lassus, quoi de plus normal qu'infliger la vie? Écoute de la vie en BD, dernière ligne droite, dernière demi-heure pour l'émission. Et maintenant, on va porter notre attention vers un ouvrage qui a été publié tout récemment du côté des éditions Pawpaw. Ça s'appelle Longs cheveux roux et c'est de Meax Fitzgerald qui est avec nous pour en jaser. Meax Fitzgerald, bonjour. Bonjour, merci de me voir. Ça fait plaisir. Et Long Red Hair, in a way, is like a search for identity. I search for identity and what it means to be a sexual person before you actually are an adult and before you have any sort of actual sexual maturity. Yeah, because you switch in the book between childhood and adulthood, between two states, two stage towards self-acceptance. So it's important to understand what is your sexual identity to be able to, know what is your identity more globally. And when you're really young, there aren't usually that many role models or examples, especially when I was a child, for alternative types of relationships. I knew that you could be gay or you could be straight, but I didn't really know that there were other options besides those two things. So the book is sort of an exploration of my own journey, figuring out who I am. Yeah, you have an example in one of the pages where you say Willow becomes a lesbian, and before that she was heterosexual. Bisexual doesn't exist on TV, doesn't really exist in books and other things, so it's a vacuum somewhat. Mm-hmm. Yeah, exactly. And in this way, it's an intimate story and an intimate perspective that you share with us in this book. Mm-hmm. Yeah, I felt at times it was uncomfortable thinking about people reading such personal information about me, but I also felt that if I was more personal and more vulnerable with the reader, that I would have a better chance of connecting with more people. Yeah, and I guess sharing your experience can also bring some light to others' experiences. Yeah, for sure. Yeah, and that was really my goal, that younger people would find the book and see themselves in it. And I think that's happened, but I think also something that's happened a lot is just people my age, people older than me, people from all sorts of backgrounds. You know, it's just very affirming to read something and see your own experience in it. And just so the listeners will get the book, in a way, it's a series of moments, of instances that were important in this forging of your identity. Yeah, they're all chapters that kind of have to do with me figuring out who I was, that also relate to both red hair and to witchcraft. And you had to, I guess, in a way, you had to analyze your life, your roadmap, in a way, to understand which moments were more important than others, even if they were small moments. Yeah, and I think that's very tough, because if you have a whole lifetime to draw upon and you're making just a 100-page book, there's obviously a lot of material there, so you have to be really selective about the things you do want to share and the things you do want to include. So for me, it was really helpful to decide right off the bat that everything in the book was going to be tie back to the themes of red hair or witchcraft. So that kind of helped narrow down the life experiences to share. Yeah, and the red hair starting with sexually charged encounter with Jessica Rabbit in Who Framed Roger Rabbit. That you choose to leave without words in a page of the book. Mm-hmm. Yeah, and I chose to leave that page wordless in part because I was a child, but also I think almost at any age, when you're attracted to somebody or to something, you don't necessarily have words for it. It's just a feeling, you know. It's sort of intrinsic, and then especially being a child in that part, you don't really have a vocabulary to understand your feelings a lot of the time. And in a way, it leaves us also more able to receive what you're trying to share, to understand what you're going through at that time, or with the kiss that you share with a gay boy later in the book, that you leave also for our interpretation. And through the image that you paint, you let us understand the sentiment that you had at the time. Yeah, and I think that's an important part of graphic novels, too, is that you want other people to see themselves in them. So by using images and not just text, you're leaving more up for other people's interpretation. And I guess, in a way, in Longs Cheveux Roux, the difficult part will be turning your family into comic book characters? Yeah, it's difficult to take someone so important to you and someone so complex and sort of flatten them down into a few pages. For the book, I wrote my mom pretty tough, and she's a pretty tough, hard love kind of person. And I wrote my dad as a very jolly person, and he is that too. But of course, in real life, they're both everything. You know, they're fully dimensional people in real life. So, for the purposes of writing, you do kind of have to, figure the angle out that's going to best serve the story. Yeah, and I guess decide also if it's important for the moment to be in a context or another. In a way, one of the anecdotes is with your mother who's on the toilet, so I guess she will ask, do you really need me to be on the toilet at that time? Yes, and I did ask for permission for that first. So with the book, because it has such personal stories, I changed the names and the appearances of everybody in the book, of all my friends, all the exes, except for my family. So for my family, I did show it to them first to make sure they were okay with it. And in that book, your voice is a bit analytical in a way. I don't feel there's anger, sadness, or despair. It's more like a precise observation of how things came to be. Mm-hmm. Yeah, and I think that's very accurate, and I think part of that is because in writing the book, it was for me to kind of, the whole process of writing it was for me to sort out my own feelings, so any sort of anxiety that I had left over from my teenage years, I sort of worked through it as an adult in making the book. And I guess it's a way also to analyze or to receive your roadmap in a way. You are more observational, analytical person, or is it, I guess it's tied also to your personality. I think so too. Yeah, and I think the book is not educational, but I would say the book is informative. So I do really like learning the history of things, and so the book often will sort of talk about, you know, some of the history of people with red hair and the history of how women who practiced witchcraft were treated and that sort of thing. So there is sort of that, yeah, learning angle to the book. And you came about with long red hair, long cheveux roux, mais donc in the version before, just after you did the photo boot a biography, mm-hmm. in which you included some autobiographical elements, and afterward mm-hmm. it took about like a year just before long red hair came out, so it was a really intense, I guess, creative period. Yeah. It was a very fast turnaround, and I wouldn't recommend it to most people, because it was so much work in a very short period of time. But I was just sort of, when I was making photo booth a biography, I was used to drawing for 10, 12, 14 hours every day. And so when that book finished, the most natural thing felt like to just start a next book immediately. Like, I didn't know what to do with my life if I didn't just start a new book. But the way I put it to people is kind of like I had just had a newborn child and then I got pregnant immediately afterwards. So it was actually a bit too much of a shock to the system. And I may have, if I could do it over again, I probably would have given a bigger gap between the two books. And one of them was more like an historical book, the other one very personal. Mm-hmm. So I guess it's a change of pace and nature of the content of the mm-hmm. of the book. Yeah, writing Long Red Hair was a very, very fast process because I was writing from what I knew, whereas writing Photo Booth Biography took years and years and years of research. So it was a very different writing process. But Photo Booth Biography is entirely in black and white, mm-hmm. and Long Red Hair is a two-color process called the duotone, and that's a very time-consuming process. So the books were challenging for different reasons. Certainly, the artwork of Long Red Hair was really, really, very time-consuming, and it was a big learning experience for me. And what did lead you to this type of graphical process for Long Red Hair? Well, the book is printed in two colors of ink, a very bright sort of red-orange color and then a dark green color. And so every page in the book is a mixture of those two colors at different intensities. And I wanted red to be part of the book because of the title and its symbolism. But I also wanted every page to sort of be a bit of a tug of war between those two colors. So you're in the same way that your sexuality is always sort of fluctuating and kind of figuring itself out, the color palette is also sort of competing on the page too. And with also the architecture of the panels themselves, also spacious and open in some ways, very diverse also in the way you organize the cases. Mm-hmm. Yeah, I like to use pretty unconventional layouts, so I don't use a regular grid layout, but instead I will maybe do a whole page of just one image or a whole page where there's no actual borders to the panels, but everything flows together, and then that way you can always make the page sort of look like the feeling of the content. And as far as the French version goes, it was Alexandre Fontaine-Rousseau who did the translation with mm-hmm. you. How was the experience of giving your very personal voice that is in Long Red Hair to somebody else to interpret and bring to another language? Well, I really trusted Alexandre because it was actually his idea to have the translation done. He read the book in English, and he recommended to Luc from Edition Pau Pau to publish the translation. So I trusted Alexandre because I knew he actually cared about the story. I knew he connected to the story, that he could, you know, see something in it. He wasn't just someone who was hired to do it, you know, like I felt he really understood. So it was a very cool collaborative process for us, and I would for sure do it again. So we can see the result in Long Cheveux Roux, donc aux éditions Pow Pow. Max Fitzgerald, merci beaucoup. Yeah, thank you so much. Have a nice day. You too. Voilà donc Meagz Fitzgerald, je le rappelle, donc auteur donc de ses Longs Cheveux Roux, un livre qui est disponible du côté des éditions Pow Pow. Voilà toujours la musique de Dante DMG qui nous accompagne d'un segment à l'autre. Dernière ligne droite de la vie en BD qu'on partage avec Marco Duchesne. Bonjour. Hey, salut. Alors Marco, libraire du côté de chez Pantoute qui nous amène quelques commentaires BD pour cette semaine. Et trois titres en fait assez variés. On commence avec Petit traité d'écologie sauvage d'Alessandro Pignocchi. Ouais, récemment arrivé, c'est un drôle d'album humoristique. En fait, Alessandro Pignocchi, je sais pas si je prononce correctement. Pignocchi est un ancien sociologue, psychologue cognitif, qui s'est reconverti en bande dessinée. Et je vais te dire, avec le dessin qu'il nous donne dans cet album, dans ce petit traité d'écologie sauvage, laisse-moi dire qu'il n'a pas pris ce changement de carrière à la légère. Il y a un très joli dessin qui ressemble beaucoup à ce que fait Bastien Vivez. Oh. Alors, ce petit traité d'écologie est un album humoristique. C'est de petites historiettes de situations humoristiques qui partent sur un principe suivant. Si tous les gouvernements du monde décidaient de vivre et d'appliquer les lois tels que le font les Indiens Javaro d'Amazonie. Okay. Alors, il nous met des situations avec ce principe-là, c'est-à-dire tous les gouvernements, les premiers ministres, les gens, tout le monde applique le mode de vie des Indiens Javaro. Ça donne des trucs comme les Indiens Javaro respectent l'environnement, la nature, fait des rituels pour un oui et pour un non, pour respecter chaque pierre, chaque animal, chaque plante a un esprit et il faut le respecter. Alors, ça donne des situations assez cocasses et absurdes à prime abord, mais en même temps, ça nous montre dans quel ça nous montre comment nous, Occidentaux, qui vivons à une vitesse fulgurante avec toute cette technologie et tout, comment on a fini par perdre contact avec cette nature. Oui, puis en fait, comment dans le fond, on a fait certaines dérives peut-être aussi. Voilà, alors ça donne des situations assez cocasses, des premiers ministres qui, dans leur limousine, se rendant à un rendez-vous, écrasent un hérisson, le premier ministre qui dit qu'il doit rendre hommage à l'esprit du défunt hérisson, il doit tout y avoir une cérémonie. À d'autres moments, un premier ministre qui, parce que les chefs de tribus d'Indiens Javaro sont nommés à vie, alors on assiste à une conférence de presse d'un premier ministre qui en a marre un peu, mais que lui, il voudrait vraiment consacrer son temps à l'étude de la rainette, entre autres. Alors, ça donne des situations assez cocasses. Et moi, personnellement, c'est un des trucs les plus drôles que j'ai lus depuis bien longtemps. Alors, si jamais vous avez envie de vraiment vous procurer un album rigolo, mais en même temps aussi de réflexion, eh bien, je vous conseille fortement Le Petit Traité d'écologie d'Alessandro Pignocchi. Et deuxième titre, Marco, et quand j'ai vu les auteurs, je me suis dit, OK, tu t'es fait plaisir, des auteurs que t'aimes beaucoup, Fabio Moon, Gabriel Ba, qui travaille avec Neil Gaiman pour offrir « Comment aborder les filles en soirée ». Voilà, alors évidemment, je pense que ce n'est plus de... C'est de notoriété publique mon affection et mon adoration pour ce qui est de l'auteur Neil Gaiman. Et en plus, maintenant, il s'associe avec Fabien Moon et Gabriel Bach, deux auteurs que j'aime beaucoup, qui font des romans graphiques absolument géniaux. Alors, Neil Gaiman a écrit beaucoup de choses dans beaucoup de catégories de la BD, livres jeunesse, contes, romans fantasy, romans de science-fiction, fantastique. Ici, on a le droit à des adaptations de pièces... de pièces radiophoniques. Je vous avais présenté, je pense, Le Premier Meurtre, oui. Qui avait été adapté par Russell. Ici, c'est la même chose. C'est une petite nouvelle qu'il avait écrite, qui a été adaptée en BD. Comment aborder les filles en soirée? C'est simplement un jeune homme qui est très timide, qui a de la difficulté à parler aux filles. Alors, aidé d'un de ses amis, ils vont aller dans une soirée et son ami, qui est un peu plus extraverti, et lui donne des trucs pour aborder les filles. Alors, il débarque dans la soirée et le jeune homme, timide, commence à aborder les filles. Mais les filles qu'il aborde sont franchement étranges. Et là, quand je dis étranges, il parle vraiment comme si elles venaient d'ailleurs. Sans trop se faire confirmer qu'elles viennent d'ailleurs, on assiste à une espèce de petite histoire qui se passe sur deux plans. Sur le plan gars-fille, nous sommes différents, se comprendre, c'est souvent très étrange et tout. Et sur le plan fantastique, parce que vraiment, les filles qui l'abordent sont vraiment... donnent vraiment l'impression de venir d'un autre monde ou d'un autre plan, d'être des espèces de sorcières avec quasiment des pouvoirs magiques. Tout ça sur une espèce de ton humoristique, mais on a le droit à une jolie histoire fantastique. Vraiment, avec et le dessin des frères Moon et Ba, en fait, Fabio Moon et Gabriel Ba, c'est des pseudonymes, c'est deux frères jumeaux qui sont argentins. Alors, avec leur dessin, ça donne vraiment un joli album qui donne vraiment le ton de la réflexion sur la différence entre les gars et les filles. Alors, enfin, on reste dans les livres qui ont un côté réflectif, si on peut dire, humoristique et réflectif, ou un peu fantastique et réflectif, si on pourrait dire. Ouais, en fait, pour les deux que je viens de mentionner, effectivement, il y a ces deux albums qui offrent vraiment des seconds degrés qui donnent surtout des idées à réflexion sur notre état dans le deuxième cas, notre identité soit masculine ou féminine. Et troisième titre, Marco Duchesne, Loup de Renaud Delisle. Renaud Delisle est très peu connu. Moi, c'est un auteur que je surveille chaque sortie qu'il fait, car j'ai toujours aimé à la fois son dessin et ses histoires. J'ai une affection profonde pour cet auteur-là qui, un jour, un de ses avant-derniers albums, un album qui s'appelait Saveur Coco, et il nous avait fourni, avec son dessin et sa façon de raconter, il nous avait fourni un des plus beaux hommages que j'ai vu de la bande dessinée de l'auteur Georges Herriman. Georges Herriman est un auteur du début du 20e siècle qui a tenu pendant... presque 35 à 40 ans, il a tenu une BD, un Américain qui a tenu une BD hebdomadaire qui s'appelait Crazy Cat. Oui. Crazy Cat, et c'est ce petit monde de Coconino World, un petit monde dans lequel évolue un souriceau, un chat ou une chatte, on n'a jamais su quel était le sexe du chat, et un chien. La souriceau passe son temps à jeter des briques à la tête du chat, et le chat est en amour avec le souriceau, et le chien est un shérif qui arrête le souriceau et le met en prison. C'est un monde poétique. C'est un monde, un imaginaire absolument poétique qu'avait fait George Herriman à cette époque-là. Et c'est considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre de la bande dessinée mondiale. Et je confirme, c'est un de mes trucs les plus, mes trucs les plus préférés en bande dessinée. Alors, pour revenir à Renaud Dio avec Coco, Saveur Coco, il avait vraiment rendu un bel hommage à George Herriman avec lui aussi dans un espèce de monde désertique, à la poursuite d'un poisson, une grande cigogne, une souris, avec toute cette façon de raconter un peu zen, un peu poétique. Il revient récemment chez Dargo avec un titre qui s'appelle Loup. Ce que raconte Loup, c'est simple, c'est un loup sorti de sa forêt, arrive en ville, il est amnésique. Alors, aidé de Jean, il n'a rien. Il n'a rien en sa possession, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Et avec l'aide de certains personnages, certains amis, il va se faire des amis, il va découvrir qu'il sait jouer de la guitare. Il sait chanter de jolies chansons. Alors, tout ce que va nous raconter le loup, c'est simplement l'ascension de ce loup au Stardome, à la célébrité, à la star du rock. Il va monter tranquillement, apprendre à faire de jolies chansons, on va le mettre sur une scène, on va le découvrir comme étant... et là, on va le mettre sur une plus grande scène, on va le faire en disquer, la popularité va grimper, et là, va tourner autour de lui des gens un peu avides, une chanteuse qui va venir se servir de lui pour propulser sa propre carrière. Mais lui ne demande qu'à faire de jolies chansons. Alors, cette histoire racontée sur un et tout ça sur une espèce d'atmosphère un peu zen, un peu délicate, un peu tendre. On va avoir droit à une jolie histoire sur pourquoi on crée, pourquoi on crée des chansons, pourquoi on fait de l'art, pourquoi qu'est-ce qui est l'essentiel dans la création artistique. Voilà. Et c'est ce que fait Lou et c'est ce que fait habilement Renaud dit dans cet album. Alors, troisième, donc, suggestion. Je pense qu'on peut parler de suggestion cette semaine. Donc, trois titres que tu nous recommandes pour diverses raisons que tu as bien explicitées. Marco Duchesne, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et à bientôt. Ciao. Ciao. Ah voilà, donc c'était Marco Duchesne, donc l'un de nos commentateurs BD. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, Grégoire Bouchard va venir nous parler de son cauchemar argenté. On va jaser également du colloque de recherche en art séquentiel édition 2007. Et plus, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.